John Antoine Forcenemi. Pour mon cher B. Moussier. Première partie. Chapitre 1. Quel étrange réveil! Certes, je connais cette chambre, mais il me semble bien qu'il y a des mois, peut-être des années, que je ne l'ai vue. Ces parois de planches jaunes, cirées, m'ont été jadis assez familières. Mais pourquoi les avoir capitonnées, depuis le parquet jusqu'à hauteur d'homme, avec d'épais, d'énormes matelas recouverts de draps gris, de draps de wagon? La lumière dorée du matin flue par une large fenêtre grillée aux barreaux médiocrement serrés. Voyons, en me levant, en allant regarder par une vitre, je suis sûre que je vais apercevoir un grand bâtiment blanc, luisant, comme stucqué, un vaste jardin raidement dessiné par un saule nôtre contemporain et une sorte de tour en bois, toute plissée de lamelles de jalousie. Eh oui, c'est bien cela. Et je reconnais là-bas cette colline frisée de bosquets. Plus près, ce petit clocher frêle d'un gris doux que rosit un peu la verdure. Et sur cette butte rougeâtre, l'orme solitaire qui paraît géant. Comment tout ce paysage peut-il m'affecter à la même minute, et comme un spectacle habituel, et comme une vision perdue dans le vague des temps? Singulière contradiction qui me trouble d'une bizarre inquiétude. Serais-je devenu très vieux sans le savoir? Aurais-je sommeillé des lustres ou un siècle? Suis-je une espèce de très ridicule, de très vilain beau au bois dormant? Ces sottes idées m'écrasent d'une si lourde tristesse, d'une si oppressante pesadumbre, diraient les Espagnols, que je veux tout oublier de nouveau. Je me recouche, laisse tomber ma tête sur l'oreiller et ferme les yeux. À moi les bons menteurs de songes ou la divine inconscience. Clac! Frrr! Ce bruit dur, autoritaire et menaçant, dirait-on, me terrifie au point de me paralyser. C'est à peine si j'ose entr'ouvrir les paupières, et ce que j'aperçois ne me rassure nullement. Un guichet baie dans la boiserie, au-dessus de ma tête. Deux yeux bleus très pâles me dévisagent. Avec férocité me figurais-je. Mais bientôt j'ai honte de ma couardise. Je me dresse sur mon séant et crie d'une voix aussi formidable que possible. « Qu'est-ce que vous fichez là? Voulez-vous bien me laisser dormir et aller espionner ailleurs ?» L'ouverture du guichet est de belle dimension. Une tête en sort qui fait une grimace de pitié, une tête trouée de étranges yeux pâles, ornée d'un mince nez en bec de perroquet et de longues moustaches tombantes, plus jaunes que la paroi. Elle ouvre une bouche que tord un acélé rictus, exhibant une dentition mordorée, à petits créneaux, et profère des sons. Il n'y a pas d'offense de ma part, et je suis heureux de voir que ça va mieux de la vôtre. Si monsieur veut quelque chose, je vais vous le chercher. Donnez-moi à manger, n'importe quoi. Mais auparavant, pourriez-vous me dire ce que je fais ici? Dans un instant. Je vais vous expliquer. » L'homme referme son guignol et le voilà parti. 10 minutes plus tard, j'entends des grincements de verrou et le lourd clapotis d'une grosse serrure. Le possesseur des yeux pâles et de la moustache jaune entre, agite des clés géantes, repousse la porte et s'approche de mon lit, un plateau à la main. Voilà l'article demandé. Merci, mais maintenant, allez-vous répondre à ma question de tout à l'heure? Tout de suite, d'abord que monsieur mange. Bon, je ne demande pas mieux. Voyez, parlez à présent. Où m'a-t-on fourré? Je vois que je ne suis pas en prison. Il a bien les verrous, mais... Non, monsieur n'est pas dans la honte. Il s'est trouvé dans le malheur, tout simplement. Vous avez été malade, très malade. Alors, je suis dans un hôpital. C'est ça, sans lettre. Enfin quoi? C'est une maison pour les personnes souffrantes, comme monsieur. Une maison de santé? On appelle ça comme ça, des fois, si on veut. J'ai un frisson si violent que j'en éprouve comme une douleur dans la nuque, puis tout le long de la colonne vertébrale. Vous ne voulez pas dire que je me trouve dans un asile d'aliénés? Oh, vous expliquez les choses d'une façon. Et puis, il ne faut pas vous frapper. C'est pas une de ces baraques à bonne sœur où on déniche des ecclésiastiques dans tous les placards. Ici, c'est libre. Ça n'appartient ni à l'État, ni aux cléricaux. C'est l'établissement du docteur Froin. Et ça se trouve à Vasto, donc, vous savez bien. Mais j'ai des parents par ici. Parbleu, c'est monsieur votre cousin qui vous a apporté l'autre jour. Il a dit comme ça que vous vous étiez trouvé souffrant en promenade à Dieppe et qui savait plus quoi fiche avec vous. Le dites pas que je vous ai dit qui, c'est défendu ici. Mais je vous vois si tranquille, si plaisant. Ah, si Rofieux est dans l'affaire, je ne suis plus surpris. En tout cas, vous avez raison. Je suis très calme et n'éprouve pas la moindre colère contre cet individu. Mais vous dites l'autre jour. Il y a donc peu de temps que j'ai été mis au frais dans cette chambre. Après-demain, il y aura 2 semaines. Vous êtes sûr que je n'étais jamais venu ici autrefois? Il me paraît que j'ai déjà vécu entre ces 4 murs, mais qu'il y a des siècles de cela. Oui, on dit que ça produit de ces effets-là. C'est des idées que vous avez, car moi, qui a 10 ans que je reste dans la maison, j'ai pas jamais vu le pareil de monsieur. Je peux lever la main de ça. Mais vous savez, voilà comment ça peut s'arriver. On apporte une personne ici, en voiture, par exemple. On la présente au directeur qui l'admet. Ça fait qu'alors, on a tout d'un coup besoin de faire une visite à quelqu'un qui demeure à côté. Le directeur aussi. Et c'est pas la peine que la personne apportée se dérange. C'est une visite embêtante, et si, et l'autre. La personne attendra en se reposant. Elle est un peu fatiguée. Étant indisposée, elle a eu de l'hésitation. Ça va mieux, mais il faut l'aménager. Seulement, elle s'ennuierait dans le cabinet du directeur, qui n'est pas une pièce avantageuse. Ça fait qu'alors, on va la conduire dans un endroit où qui a une bien belle vue et des journées aux illustrées. Ça va bien pour une petite demi-heure. La personne regarde par la fenêtre, raflute dans l'appartement. Elle trouve tout ça gentil et comme il faut. Mais après ça, elle s'impatiente, et quand celui-ci ou celui-là lui explique qu'on n'a pas pu revenir la chercher et que le directeur l'invite, censé par amitié, à passer la nuit dans l'établissement, la personne veut s'en aller. On l'empêche, ça fait qu'alors elle se fâche, a une attaque de nerfs, on la couche et elle reste les 10 ou 12 jours, tantôt dans l'hésitation, tantôt dans le sommeil. Quand elle est guérie, elle se souvient d'un peu de ce qu'elle a vu le premier jour. Mais ça lui semble loin de loin. Il n'y a rien comme l'hésitation pour faire paraître le temps long, après. Parce que durant, c'est pas ça qui gêne. L'homme au bec de perroquet n'est pas aussi absolument idiot qu'on pourrait le croire en le regardant tout d'abord. Et en entendant certaines de ses phrases. Il vient, je le vois, de me raconter à sa manière, tantôt fort stupidement et maladroitement, tantôt avec des précautions assez heureuses, l'histoire de mon entrée dans l'établissement du docteur Froin. Ça et là, au cours de son bref récit, et surtout en son explication finale, il s'est peut-être même montré capable de sécréter une certaine dose de psychologie rudimentaire. Et non, c'est un crétin, puisqu'il m'a permis de savoir que j'avais été fou pendant une dizaine de jours. Il aurait dû s'arranger pour me laisser ignorer cela longtemps. J'aurais pu croire. Quoi ? Qu'aurais-je pu croire ? Au fait, c'est moi le crétin. Que vais-je demander là à un pauvre diable abruti par ce milieu ? Après une première éducation reçue, sans doute possible, sur un fumier de campagne. Quoi qu'il en soit, puisqu'il compatit évidemment à mon malheur, j'aurais bien tort de l'indisposer contre moi. Il a la langue longue, il peut donc m'être utile quand j'aurai besoin d'être renseigné. On dirait que la mémoire me revient un peu. Oui, les façons mystérieuses de Rofieux, Dieppe, la voiture, l'arrivée dans l'établissement, le départ du cousin pour la fausse visite, voire même ma colère. Je me souviens brumeusement de tout cela. Mais il est indispensable que j'alimente la conversation si je tiens à demeurer dans les bonnes grâces de mon gardien. Les individus de son espèce détestent par-dessus tout le mutisme des gens fiers, des mufs bourgeois. Je dois lui faire l'effet d'un bourgeois, hélas. Je lui pose donc la première question venue. « Hérofieux, mon cousin, a-t-on reçu des nouvelles de lui depuis qu'il m'a voituré jusqu'ici ?»« Oh, il est venu il y a 5 jours, lundi dernier. Il est parti une demi-heure, demi-heure, après, très contrarié. Il disait comme ça qu'il avait bien de l'ennui, que monsieur voulait pas le reconnaître, et qu'il reviendrait peut-être l'autre lundi, après-demain. » Voici qu'une nouvelle idée me traverse le cerveau. Une idée de fou, certainement. Je me rappelle à présent avoir parlé au directeur. Mais il me semble qu'à peu de minutes d'intervalle, il a subi une métamorphose complète. D'abord grand, gros, peut-être sexagénaire, il est devenu tout à coup jeune, de taille et d'embonpoint plus que médiocre. Son poil grisonnant a pris des teintes d'un fauve roux. La voix seule ne changeait pas. Je confie ma première impression à mon gardien, tout en prenant soin de la traduire de manière aussi peu démente que possible. « Non, non, me répond l'homme aux moustaches éplorées. Notre maison n'a pas 2 directeurs. Voilà ce qu'il y a. Le patron, le docteur Froin, le seul patron, a amené comme adjoint, qui disent, de son pays, de Franche-Comté, une espèce de petit singe de médecin qui a le même accent que lui, qui imite son parler, ses expressions et toutes ses manières. Un bas du dos si enragé de montrer qu'il est quelque chose ici, qu'il arrive toujours sur les talons de son chef quand il y a de l'entrée. Ça serait un petit malade de 14 ans qui ferait le même fourbi pour l'épater et se rendre important. Dès que le père Froin a le dos tourné, c'est lui qui joue au directeur, qui chahute, qui fait de la mousse. Il imite plus personne alors. Si monsieur était fatigué du voyage, il se sera contusionné et n'aura plus su à quel moment le petit s'est détaché du gros pour continuer la conversation sur le même ton que le patron, mais avec moins d'arménité. Moi qui suis habituée, je reconnais leur voix l'une de l'autre, les yeux fermés. Celle du petit, du docteur Bidhomme, c'est bien plus râpeux, plus insolent. Tandis que le père Froin, c'est que c'est majestueux. Mais des nouvelles gens comme vous, ça sait-il la première fois? C'est un brave homme, le docteur Froin. Il est bien avenant, bien parlant. On dit qu'il est scientifique comme un musée. En tout cas, qu'il est bon pour les malades. Il les embête pas, pas même assez que raconte par derrière lui son second. Oui, le docteur Bidhomme, il est toujours à chanter qu'il n'y a pas de discipline ici, que les malades, les moins récalcitrants, se promènent trop à leur aise dans les jardins, qu'on en a vu parler aux femmes près de l'autre bâtiment, qu'ailleurs, dans le Doubs, il a été employé dans une maison où c'était sérieux, où les presque guéris eux-mêmes ne bougeaient pas de leur section, tantôt casernés dans les salles, tantôt en récréation dans les cours, dont les portes s'ouvraient que pour le gros monde. vous ne l'aimez guère, ce bidôme. Comme la bronchique et les engelures. Sitôt que le perfouin est sorti, il tarabuste tout le bazar, de la tête aux pieds. Les infirmières de l'autre bâtiment crèvent de colique quand elles le voient sans son employeur. Nous autres, on est plus d'attaque, mais c'est égal. Des fois, on se sent tourniboulé tout de même. C'est tout à fait un mauvais diable. Écoutez, je vais vous répondre comme je le ferai à personne. Parce que, réellement, vous êtes un malade bien convenable et raisonnant. Un nouveau frisson me parcourt qui n'a rien de délicieux. Oui, je vais vous parler. Je pourrais dire comme sous le sceau de la confession si j'étais un clérical. Mais ne répétez jamais ce que je vous confie là. C'est grave. La figure de mon gardien prend une expression mystérieuse, alarmée. Il se penche vers moi et c'est presque à mon oreille qu'il murmure d'une voix éteinte. Le docteur Bidôme, vous voulez que je vous donne mon opinion de jugement? Eh bien, c'est un nom de Dieu. Cette qualification blasphématoire a sans doute, pour lui, un sens terrible. Ces trois mots doivent contenir des océans d'horreur, constituer la suprême injure, flétrir à jamais. Car l'homme aux yeux pâles tire frénétiquement sa moustache jaune et sa physionomie angoissée me révèle qu'il se repent déjà de s'être si dangereusement compromis. « Je vous assure, conclut-il, que j'aime mieux ne plus revenir là-dessus. Jamais, jamais. D'ailleurs, pourquoi? À présent, vous savez tout, et je vous demande le silence le plus absolu. » Son émotion me gagne. Pour détourner le cours de ses inquiétudes, je le prie de bien vouloir débarrasser mon lit de deux assiettes qui me gênent. L'une contient encore une tranche de viande froide, l'autre un fort morceau de gruyère. Mon gardien dépose la première dans le tiroir de la table de nuit, met la seconde sous clé à un étage quelconque de la commode avec une tasse vide, un couteau et une fourchette, et se retourne vers moi, déjà soulagé par la satisfaction du devoir accompli. Il pontifie un peu. Faut avoir de l'ordre. C'est pas un bon système de tout laisser traîner à la Valdrague. On retrouve plus rien après. Oh, c'est pas que j'accuserai monsieur de s'approprier la vaisselle de l'établissement, mais un accident s'est si vite arrivé. Il regarde sa montre et change de ton. C'est pas tout ça. Voilà 7 heures. Vous allez pas tarder à recevoir la visite de Bidôme. Quand le service n'est pas désorganisé, il commence toujours par cette aile-ci, l'aile des « à part ». J'aime autant le rencontrer dans le couloir qu'ailleurs. Il y a du champ et Bidôme à la patte leste. Là-dessus, il fait une belle sortie sur les pointes gigantesques de ses pieds, en m'adressant une quantité de gestes avertisseurs qui me recommandent, sans doute, la discrétion, la prudence, une circonspection extrême dans mes rapports avec le terrible petit médecin.